Chapitre 14 Mort des Niflungen. Alors Gunnar et Högni prirent tout l'or, l'héritage de Fafnir. Les Giukungen et Atli devinrent ennemis, parce que celui-ci leur reprochait d'être cause de la mort de Brunhild. Cependant, ils se réconcilièrent, et les Giukungen donnèrent à Atli Gudrun en mariage. Mais pour qu'elle consentît à accepter cet époux, ses frères lui donnèrent à boire le breuvage qui fait oublier. Erp et Aitil étaient les fils d'Atli. Svanhild était la fille de Sigurd et de Gudrun. Le roi Atli invita Gunnar et Högni et leur envoya Vigny ou Knefrød. Gudrun soupçonna quelque trahison et leur écrivit en runes de ne pas venir, et comme confirmation, elle envoya à Högni l'anneau Andvaranaut. Gunnar avait tenté d'obtenir Odrun, la sœur d'Atli, mais il n'avait pas réussi. Il épousa alors Glumfra et Högni Kostbera. Leurs fils furent Zolar, Snavar et Gjuki. Quand les Giukungen arrivèrent auprès d'Atli, Gudrun dit à ses fils de demander qu'on leur laisse à la vie, mais ses fils s'y refusèrent. À Högni, on arracha le cœur de la poitrine. Gunnar fut jeté dans la tour aux serpents. Il joua de la harpe et endormit tous les serpents, sauf une vipère qui le mordit jusque dans le foie.